Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 10. Tu l'ignores peut-être encore, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 13 novembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es chasseur d'autographes, tu es paparazzi, tu es concours de sosie, tu es cop de Boulogne, tu es mimétique et tu es aussi totalement hystérique. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es fan, tu es groupie. Depuis lundi dernier, si tu es fan par exemple du plus grand rocker belge, tu as pu t'acheter, trop classe, l'énième et nouvel album de Johnny Hallyday. Par ailleurs, sort en France mercredi prochain le nouveau film d'Emmanuel Berco, Backstage, consacré à l'intrusion d'une jeune fan dans l'intimité de son idole. Un écho violent sans doute aux pulsions star académiciennes. Alors oui, aujourd'hui autant qu'hier, le star system se porte très bien, mais pourquoi donc avons-nous tant besoin de ces idoles populaires? Va savoir. Eh bien, de la frénésie des Beatles à la tombe de Jim Morrison, des fan clubs de Jésus aux idolâtries politiques, des foules en liesse devant les gris-gris de Zidane, aux collectionneurs des bibelots d'Elvis, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de ta fan attitude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Alors c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Bien sûr, monte le son et trémousse-toi, whiz. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Alexandrie, Alexandra, je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Énorme tube de Claude François en 1978. Le Nil ne coule pas à Alexandrie, mais bon, ce genre de petits détails géographiques, quand t'es fan, tu t'en fous. Alors, pour commencer notre voyage dans l'univers mystérieux et pourtant si familier des fans, il est d'abord nécessaire de définir ce qu'est un fan. Un fan, c'est tout simplement un admirateur, une fan, une admiratrice ou bien une feuille de radis au choix. Le fanatisme est bien entendu lié aux idoles. L'idole fait le fan et le fan fait l'idole. Le fanatisme peut se nicher dans tous les domaines, le sport, la politique et bien entendu la musique ou le divertissement. On parle alors plus volontiers de groupie. Le sport, tout d'abord. Dans l'Antiquité, les grandes stars, c'était les gladiateurs et les cochers des courses de chars. Le peuple se passionnait pour les combats à mort dans les amphithéâtres ou dans les cirques pour les courses de chars. À Rome, le Circus Maximus pouvait accueillir jusqu'à 380 000 spectateurs, l'équivalent de près de 5 stades de France. Pour l'Aurige, qui remportait la victoire, c'était la gloire. La foule est assemblée de tous côtés, ça gronde. On attend l'empereur, le seul maître du monde. Et dans une clameur à déchirer les cieux, j'arrive avec César, applaudi comme un dieu. Les courses de chars se sont poursuivies sous l'Empire byzantin qui a aussi connu ses stars, ou plutôt ses stellae. Les cochers vainqueurs étaient couverts d'argent, de gloire et avaient le statut d'idole. Certains d'ailleurs avaient droit de leur vivant à leur statut. Oui, les sportifs du temps passé ont connu les groupies. Les chevaliers étaient adulés lors des tournois au Moyen-Âge. L'image de l'idole qui combat et risque sa vie se retrouve aujourd'hui dans la tauromachie. Voici celui de celui dont celui qui, celui quoi, celui qui. La la i, que l'on attend le matador, porté par la lumière, le matador qui porte de la peur. Le sportif qui gagne a donc, depuis l'Antiquité, le statut d'idole. Aujourd'hui encore, cela va sans dire, certains sportifs sont des stars, individuellement, comme des Zidane ou des Maradona, ou bien collectivement. Le rôle du supporter est donc primordial pour un sportif qui se sent pousser des ailes grâce au soutien des fans. Le fan peut vouer une admiration poussée pour des sportifs, mais le fanatisme touche également d'autres domaines, la politique par exemple. Pour que le fanatisme apparaisse, il faut souvent un personnage charismatique. L'histoire politique se régale de la figure de l'homme fort qui est pour ses fans le sauveur providentiel. Mais enfin Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse? Le métro. Eh oui, l'homme fort est toujours suspect aux yeux du démocrate pour qui le pouvoir réside dans le peuple. L'homme fort manie les masses par son charisme et ses paroles qui lui permettent d'attirer les foules. Et parfois, ça dégénère. Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté était bannie, le droit à la parole supprimé. On n'entendait plus que la voix de Hinkel. Et de Strasbourg, Adenoïd Hinkel a simplement dit hier la Tomenia était tombée, aujourd'hui nous l'avons relevée. Démocratie stonk. La démocratie est factice. Liberté stonk. La liberté odieuse. Free spraken stonk. La liberté d'expression répréhensible. Tomenia. La Tomenia a la plus grande armée du monde. La plus grande marine du monde. Mais pour rester grand, nous devons faire des sacrifices. Son Excellence vient de dire quelques mots sur le peuple juif. L'idole en politique, ça fait tout de suite flipper. Mais le domaine le plus fréquemment associé au mot fan est, bien entendu, celui du divertissement ou de l'art. Déjà au 19e siècle, des actrices comme Rachel ou Mademoiselle Georges étaient de véritables stars. Avec l'apparition de la culture de masse au 20e siècle et de la mise en place d'une industrie du bien culturel, le phénomène s'est amplifié. Les idoles deviennent mondiales et touchent tous les publics. Des idoles, moi j'en ai beaucoup. Harlequin, Walt Disney, Guignol, en somme, j'ai les mêmes que vous, des idoles qui me rendent heureux, l'espoir, le grand public, les amoureux, l'espoir, tous les publics et les amoureux, parbleu. Les idoles rendent donc les fans heureux. Dans les années 50-60, avec les progrès techniques du cinéma, entre autres, des figures mythiques inaugurent ce qui est aujourd'hui encore l'archétype de la star. Il n'est qu'à évoquer les prénoms de Marilyn, de James ou d'Elvis pour réveiller notre mémoire de groupie. Tiens, je suis persuadé que si je prononce quatre prénoms dans le vent, il va y avoir des cris. Écoute, George, Ringo, John et Paul. L'idole donne du plaisir au fan qui fait tout pour le montrer à l'idole. Mais il arrive parfois, comme ce 17 août 1977, que l'univers du fan s'écroule. Elvis Presley est mort, c'est sans doute l'information la plus marquante de la matinée. Elle étonnera les uns, le roi du rock'n'roll n'avait que 42 ans. Elle attristera les autres, comme Rudolph Valentino, comme James Dean, il aura été l'idole d'une génération et même de plusieurs générations. Elvis Presley, l'idole de plusieurs générations, est, comme tout le monde le sait, encore en vie et il se la coule douce sur une île au milieu du Pacifique. Quand l'idole part, le fan est perdu. Écoute bien les paroles de cette chanson de Diane Dufresne. L'équipe de La Panique n'est pas sûre de les avoir bien comprises. Si tu savais, Elvis, tout ce que elle a dit quoi, Diane Dufresne ? Avec ton coq en six ou avec ton corps qu'on suce ? Lapsus peut-être. Avec les fans, tout est possible. La France, elle aussi, a connu des phénomènes fanatiques de masse. L'un des plus marquants eut lieu avec les yéyés dans les 60s. Les stars de la jeunesse sont alors Dick, Eddie, Sheila, Sylvie et Johnny. Ah, Sylvie et Johnny, ils en ont fait rêver plus d'un ce 12 avril 1965. Ils étaient plusieurs centaines, des milliers même, et c'est dans une ambiance exceptionnelle que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont répondu aux questions traditionnelles de Monsieur le maire. Monsieur Jean-Philippe Léosmet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan ici présente? Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent? Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Un bien beau mariage intime pour les deux plus grandes stars des yéyés. Les yéyés sont nés en 1959 avec l'émission culte « Salut les copains ». Le phénomène s'est éteint sous les pavés de 68. Après, il n'est resté que de la nostalgie. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Ainsi donc, les fans se retrouvent dans tous les domaines, sport, politique, musique. Le fan adule son idole, car sans doute qu'en regardant le poster de Jim Morrison accroché sur le mur de sa chambre, il peut s'évader de l'autre côté. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. We'll be right back. Break On Through. Nous sommes en 1967, tube planétaire des Doors, avec son leader charismatique et romantique Jim Morrison, mort dans des conditions étranges le 3 juillet 1971 et enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Sa tombe est devenue un lieu de culte où un flux ininterrompu de fans pèlerins viennent se recueillir, parfois dans l'espoir d'entrer en contact avec l'esprit de Jim. Alors justement, pour continuer notre exploration de la fanatitude, après avoir décortiqué l'histoire du Star System, il est temps désormais de s'intéresser aux fans eux-mêmes et à leurs comportements les plus dingues. En général, ce phénomène d'adoration est avant tout une manifestation assez traditionnelle et quasi normale chez les adolescents. Le jeune, en quête d'identification, cherche évidemment à se projeter dans l'intimité de sa star préférée. Alors qu'il est empêtré dans ses affres existentielles, l'adolescent pense que la vie de son idole est un paradis qui se résume en trois mots. Sur la base de ce fantasme un peu mièvre, de ce refuge artificiel, le fan espère, de par son attitude de dévotion, partager un bout de cette vie de star qui semble si géniale. L'idole est alors considérée comme un confident secret. L'adolescent construit avec la star une relation d'amour fictive. Il est membre du fan club, collectionne les bibelots à la con, les posters, ne rate aucun concert, donnerait presque sa vie pour partager un Big Mac avec son idole et surtout, l'ado connaît mieux que personne la vie de sa star préférée. Alors Johnny Hallyday, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Il chantait bien, il a de la voix, il est beau. Je sais qu'il revient des États-Unis où il a pris quelques mois de vacances avec Sylvie. Je sais qu'il habite dans le 6e arrondissement, qu'il a une Kawasaki 900. Et tout ça, vous l'avez lu dans quoi ? Dans Hit ou dans Salut les copains. Bon, si on vous proposait de passer un samedi après-midi avec Ringo ? Ah oui, tout de suite ! Qu'est-ce que vous recherchez dans un magazine comme celui-ci ? C'est les photos sur les Rubettes. Et vous, vous êtes fan de qui ? Des Rubettes, parce qu'ils ont une bonne musique et puis je suis fidèle qu'aux Rubettes. Il y a un membre particulier des Rubettes que vous aimez ? Oui, Alan. Vous lui avez déjà serré la main ici, sur l'esplanade de la maison de la radio ? Bien sûr. Vous avez un carnet dans les mains, on peut le feuilleter, qu'est-ce qu'il y a ? Qui ? Des photos des Rubettes. Et puis ensuite ? Rubettes, avec des Rubettes. Là, sur la photo, vous êtes en train d'embrasser qui ? Alan des Rubettes. Qu'est devenu Alan des Rubettes, hein ? Va savoir. Si l'ado est obsessionnel dans son adoration, c'est sans doute parce qu'il est à un âge où les passions sentimentales ne connaissent pas de limites. Le fan est persuadé qu'il entretient avec la star une relation unique, exclusive et sublime. Du coup, il cherche par tous les moyens à se manifester auprès de son idole pour qu'enfin celle-ci se rende à l'évidence qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais alors, quels sont les moyens dont dispose le fan pour rentrer en contact ? Bon, il y a le courrier, bien sûr, la traque devant l'hôtel ou l'attente fébrile à la sortie du concert. C'est un peu mince. Cela dit, certains fans sont plus dégourdis et parviennent à décrocher le sésame, un numéro de téléphone. Bonjour, nous ne sommes pas là, mais nous prenons les messages. Veuillez attendre le bip sonore, puis laisser votre nom, votre numéro de téléphone et la raison de votre appel. Attention, c'est à vous. Bonjour, je voudrais, excusez-moi, mais Clara, je fais un gros bisou à Clara et je voudrais dire à Clara que je l'aime. C'est Charlotte, la petite fille d'hier. Je voudrais bien qu'elle m'aime aussi et je voudrais bien être amie avec elle. Je serai là à son concert du dimanche et je suis d'accord pour être son impresario ou tout autre travail qu'elle aura à me donner à faire. J'espère qu'elle le saura et que vous le serez. Foutu répondeur. La vie est injuste, mais à 14 ans, on ne doute de rien. Finalement, tout cela n'est qu'une question d'amour chez les ados. La gamine qui voue un culte à Patrick Bruel, Patrick, ne cherche rien d'autre qu'à se faire aimer par une personne qui n'existe pas réellement dans sa vie et que personne, justement, mieux que Patrick, ne peut comprendre ses problèmes. Si tu n'as jamais été fan, tu ne peux pas connaître le besoin absolu pour un môme d'être fan. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Sans répit, jour et nuit, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Si j'existe, Pour l'ado, d'accord. Mais bon, si au-delà de tes 16 ans, ta fanatitude excessive se poursuit, là, tout se complique. Ça sent le pathologique, faut consulter. Des fractures narcissiques à vivre, des rapports à soi compliqués, bref, une vie gâchée à courir après une star qui ne viendra jamais et qui t'ignore. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la copie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. C'est beau comme elle aime. Tu parles, c'est beau comme elle l'aime. Oui, en attendant, le pianiste, il s'en fout et il se tape la chanteuse, une autre star. Et du coup, il arrive parfois que le mépris inconscient de l'idole fait naître chez le fan humilié des pulsions de vengeance psychopathe des plus terribles. Dans la prise de conscience névrosée qu'il ne sera jamais possible de posséder la star comme on possède un hamster, par exemple, le fan excédé peut aller jusqu'à la séquestration de son idole. Je suppose que c'est un miracle que vous m'ayez trouvé. Non, ce n'est pas un miracle. En fait, c'est parce que je vous suivais. Comment ça, vous me suiviez? C'était pas un secret pour moi que vous étiez au chalet de Silver Creek. Je suis votre plus fervente admiratrice. Oh, Paul, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Les aventures de Misery. Je les connais toutes par cœur. Les 8 volumes. Oh, je les aime tant. Vous êtes très gentil. Et vous, vous êtes génial. Une fois séquestrée dans un chalet de montagne, par exemple, la star a intérêt de la jouer fine. Parce qu'un fan déçu peut parfois se transformer en meurtrier et en venir à tuer son idole. Alors pour enrichir notre enquête sur les fans, nous sommes allés voir cette semaine Emmanuelle Seigné, l'actrice principale du nouveau film d'Emmanuel Berco qui sort mercredi prochain et qui s'intitule Backstage. Ce film raconte l'histoire de l'intrusion d'une jeune femme dans l'intimité de son idole. Pour commencer, nous avons demandé à Emmanuelle Seigné quel genre de rapport elle entretenait avec les gens célèbres qu'elle admire. Réponse juste après le jingle. Il y a des gens que j'admire énormément, comme les Rolling Stones, comme Elvis Presley. J'ai appelé d'ailleurs mon fils Elvis, donc je devais avoir une certaine admiration. Mais de toute façon, ce fanatisme qui est traité dans le film, c'est un fanatisme pathologique. C'est plus proche, je ne sais pas, par exemple, du fan qui a tué John Lennon ou du fan qui a tiré sur une des personnes d'Universal, la maison de disques de Mylène Farmer. Enfin, c'est plus proche de ce fanatisme-là. Donc je pense qu'il y a, j'espère, très peu de gens qui sont comme ça, quoi. Oui, c'est une pathologie complexe. Mais comment expliquez-vous, Emmanuel Seigné, qu'en général, les ados se focalisent essentiellement sur des stars du rock ou de la musique en général? Moi, j'ai une réponse, c'est que d'abord, ceux qui ont ce genre de célébrité, c'est souvent des chanteurs. Parce qu'en fait, dans le truc de chanteur, et ça, je l'ai senti quand j'ai joué la scène au Zénith, il y a une dimension érotique qu'il n'y a pas dans le métier d'acteur ou dans le métier de metteur, encore moins dans le métier de metteur en scène. Et il y a aussi les footballeurs qui ont un peu ça. Enfin, moi, je me suis retrouvée un jour dans une voiture avec Zidane parce qu'on fait une association ensemble et à Toulouse, et c'était un truc de dingue, quoi. C'était la folie, c'était tout d'un coup... Cet homme, bon, qui est un très grand footballeur, mais qui générait ce genre de fanatisme. Moi, par exemple, ça m'est arrivé un jour d'aller au cinéma avec Jack Nicholson et c'était pas du tout ça, quoi. Pourtant, Jack Nicholson, c'est une grande star. C'était Emmanuel Seigné pour La Panique au Mangin Palace. Au lac de Com, l'autre Malicra. J'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine. la foule romaine. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule romaine qu'interprète Jean-Louis Murat dans l'album Le Moujik et sa femme, sorti en 2002, parce que dans une émission sur les groupies, Le Moujik et sa fan, c'est pas mal. Nous allons poursuivre notre exploration de l'univers des fans et des groupies en essayant maintenant de comprendre la détresse profonde d'une adolescente en âge de raison et qui se voit soudain, à 12 ans, devant un drame existentiel. Je n'ai pas d'idole, est-ce que c'est normal ? Cette adolescente, que nous appellerons simplement l'ado, parfois la John, et plus prosaïquement Odeline, décide de partir en quête d'une idole. Nous allons la suivre dans cette aventure ontologique. Odeline a commencé sa quête de l'idole en allant, elle a beaucoup de bon sens Odeline, voir un spécialiste des fans, un animateur des dimanches après-midi, pas du genre à se vautrer dans un canapé rouge avec son kleps. Mais l'entrevue ne s'est pas très bien passée. Bonsoir, pour cette nouvelle école du fan, j'appelle une belle grande jeune fille. Viens, comment tu t'appelles ? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric, dans l'anglais à l'école, il m'appelle Trou du cul. Les enfants sont cruels. Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts, est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts ? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort ? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. Non, Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Capri, c'est fini. Non. Hervé Villard n'est pas mort. Tu vas nous chanter, comme on avait dit, Bambino de Dalida. Alors, Pino, prêt ? Tu es prêt, Odeline ? Bambino. Capri, c'est fini ! Non ! Odeline, Pino, on reprend. Bambino. Capri, c'est fini ! Odeline, on a dit Bambino ! Tiens ! Tu l'as pas volé, celle-là ! C'est fini, je sais bien que j'y retournerai un jour. Odeline est déçue. Elle aurait tellement aimé être fan d'Hervé Villard. Une situation originale et sans grande concurrence. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Odeline est dépitée. Elle ne sait pas à qui se confier. À sa mère, surtout pas. Elle est adolescente et se fait un point d'honneur à ne pas parler de ses secrets intimes à sa daronne. Pour parler de son intimité, Odeline décide d'aller voir un spécialiste de ces choses-là. Ses copines lui ont dit que le professionnel des problèmes intimes, mieux que le gynécologue, c'est Julien Courbet. Odeline prend donc rendez-vous et demande à l'animateur. « Dites-moi, monsieur, comment on choisit une idole ?»« Je suis l'idole des femmes, j'ai un cœur de voyou. Entre deux rendez-vous, elle me raconte tout. » Entre deux rendez-vous, je sais ce qui se passe chez vous. Odeline comprend que cet homme est très bizarre et qu'il n'est pas si facile que ça de choisir une idole. Pourtant, ça urge. Toutes ses copines en ont déjà une. Odeline fait l'inventaire. Britney, trop vieille. Eminem, trop conformiste. Laurie, trop impossible. Odeline se dit alors que ce n'est pas dans la musique qu'elle va trouver son idole. Et pourquoi pas la politique? Odeline regarde dans l'annuaire des hommes politiques qui ont du temps libre et, à la lettre R, tombe sur un certain Raffarin qui aurait été Premier ministre. Une coquille sans doute. Odeline décide de l'appeler pour savoir si ce Raffarin pourrait la conseiller dans le choix d'une idole. Petit, je me prenais pour Johnny Hallyday et ça faisait rigoler toute la galerie. Les parents, leurs amis, au repas du dimanche, en redemandaient et je m'exécutais. Ah, qu'est-ce qu'il aurait été rigolo, Raffarin, s'il n'avait pas malmené les acquis sociaux sous couvert de réforme. Odeline décide de poursuivre sa quête. Elle glisse quelques pièces jaunes dans sa poche et fonce à l'Élysée voir Bernadette Chirac pour lui demander conseil. « Dites-moi, madame, qui je peux choisir comme idole ?»« De Gaulle, de Londres, d'Alger, de Strasbourg et de Lille. » Odeline s'apprête alors à quitter l'Élysée quand elle voit passer un grand type avec une barbe à papa grise sur la tête. Avec son long nez, il est rigolo. Elle l'a vu à la télé, ne se souvient plus de son nom, mais elle est certaine qu'il s'agit d'un champion de natation au congrès de l'UMP de la Baule. « Monsieur le maître nageur, vous en pensez quoi, vous, des idoles ?» Là, vraiment, ça va pas être possible. Odeline laisse le maître nageur à ses fantasmes et se retire sur la pointe des pieds. Alors qu'elle cherche la sortie de l'Élysée, Odeline aperçoit au loin un enfant. Ah non, c'est un vieux. Il est juste petit, mais il a l'air tracassé. Odeline s'approche et lui demande ce qu'il fait dans la vie. Le petit personnage répond qu'il est à l'intérieur. Odeline trouve la réponse idiote. Elle voit bien qu'il n'est pas dehors. Odeline demande ensuite au petit bonhomme tracassé comment il s'appelle. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis. Pour rien au monde, Odeline n'en voudrait comme idole. Décidément, ce n'est pas facile d'être fan. Elle quitte l'Élysée un peu dépitée. Mais que lui reste-t-il comme idole possible ? Odeline a alors un flash. Elle se souvient de ces milliers de jeunes au JMJ de Cologne. Mais oui, ça y est, elle a trouvé son idole, ce sera Ratzinger XVI. Elle s'imagine déjà dans la peau d'une groupie du pape. Elle processionne à petits pas, de bénitier en bénitier les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler les bigotes. Odeline est jeune, mais elle a du bon sens. Elle abandonne l'idée de faire de Ben 16 son idole. Elle a perdu tout espoir et rentre chez elle. C'est trop la honte. Elle est adolescente et elle n'a pas d'idole. Le papier peint de sa chambre reste désespérément vierge de tout poster. Son agenda n'est toujours pas encombré de photos découpées dans les magazines. Elle est prostrée dans le canapé du salon. Quand sa maman entre discrètement dans la pièce et, sans violer le jardin secret de sa fille, se contente de glisser un disque dans son topaz. Pour Odeline, c'est une révélation. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Odeline vient de comprendre alors qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une idole et qu'il n'y a qu'une personne de qui elle sera toujours la fan. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Ce qu'Odeline ne sait pas, c'est que sa mère, quand elle était adolescente, avait la coupe au bol, rêvait d'Abbey Road et voulait faire un Magical Mystery Tour avec Paul sous la pluie. Laugh when your eyes are burning. Smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life to. Too Much Rain, interprété par un des quatre garçons dans le vent des 60s, Sir McCartney, un des Beatles qui, comme les trois autres, à un moment donné, ont été plus connus que Jésus et qui ont déclenché des furies populaires partout là où ils se pointaient. Alors pour continuer notre voyage sur la planète des fans, il est grand temps maintenant de retrouver les deux idoles de la panique au Mangin Palace, les célèbres Monique et Jean-Claude. Depuis le temps que nous te racontons leur vie, il y a un truc qu'on ne t'a jamais dit, un sujet sensible, une ligne de fracture dans leur couple si solide. Un sujet tabou qu'ils n'abordent jamais, sauf quand il ressurgit malgré eux. La dernière fois que cela est arrivé, nous étions le 11 mars 1998. Jean-Claude bricolait au fond du garage, en écoutant France Inter, tranquille, quand tout à coup, il a entendu ça. Pour terminer rubrique, souvenir avec la mort il y a tout juste 20 ans de Claude François. Clo-Clo, l'idole des jeunes de l'époque du yéyé, reste à l'honneur des radios et télévisions. 20 ans après sa mort, de nombreux fans ne se sont toujours pas remis. Témoin Sylvie, une fan absolue qui porte encore le deuil de Clo-Clo. Je suis fan de Claude et je l'ai suivi depuis 1972. Depuis 20 ans, je ne travaille jamais un 11 mars. Je prends toujours une semaine de vacances, mais j'ai envie de voir personne ce jour-là. À l'écoute de ce reportage, Jean-Claude ne se sent pas très bien. Les souvenirs remontent sous son épiderme, les larmes ne sont pas très loin. Parce que, oui, dans les 70s, le Jean-Claude, il a vécu une folle passion pour la saga disco de Claude François. À l'opposé, il déteste encore aujourd'hui tout ce qu'incarne le rock'n'roll. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable. En mince, il aime pas le rock. L'énorme problème dans cette histoire, c'est que Monique, elle, voue un culte sans bornes depuis les 60s au plus grand des rockers belges, Johnny Hallyday. Et que de son côté, elle déteste les costards en paillettes de cet allumé qui se disait mal aimé. Pour Monique, il n'y a pas de compromis possible. Ouais, c'est la musique de mes idoles. Moi, c'est la musique de rock and roll. C'est toute ma musique. Ce 11 mars 1998, Jean-Claude, pour se rafraîchir de son émotion funèbre, revient dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Monique sait bien que nous sommes le jour de l'anniversaire de la mort de Claude François. Alors, un peu peste, pendant qu'elle prépare son osso buco, en voyant Jean-Claude entrer, Monique se met à chantonner un truc de dur. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Jean-Claude se met alors très vite en colère. Et comme à chaque fois, ça dérape. Les insultes fusent, les coups bas pleuvent. Johnny est un bourrin, il sait pas chanter. Clo-Clo, c'était une tapette, même pas foutu de changer une ampoule, ce con. Bref, ça s'engueule sévère. Jean-Claude est à bout de nerfs et, en mémoire de Claude, se précipite dans le salon pour passer son tube préféré à fond, histoire de bien faire chez Monique et de lui rappeler que Clo-Clo ne meurt jamais. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse, ça revient comme une chanson populaire. Ce retour de flamme de leur passion opposée pousse Monique un peu plus encore dans son amour pour Johnny. Et du coup, décide, par l'intermédiaire du fan club dont elle est trésorière, d'écrire une énième lettre à son idole. Ah mais je sais, j'y ai mis pour commencer. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Tu sais ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses ? Johnny, ton sexe. Je te jure, les filles exagèrent, hein. Si les parents savaient. Moi, je mets seulement je te veux, c'est quand même plus réservé. J'ai mis comme tu es beau. Oh, dis, c'est vrai qu'il est beau, dis. Ce travail au palais des sports. Moi, c'est simple, quand il quitte sa chemise, je me contrôle plus. Je dis qu'il n'y a pas un gars qui est capable de faire ce qu'il fait. J'ai mis aussi ta liberté, c'est mon bonheur. Ça, c'est beau comme formule, hein. Remarque, j'ai pas trouvé comme ça, j'ai réfléchi. Je signe pas, comme ça il saura pas qui c'est de toute façon. De son côté, Jean-Claude, pour se venger un peu plus encore, Jean-Claude, aux grandes dames de Monique, a convoqué dans leur jardin les membres du fan club de Claude, dont il est le président. Et en cet anniversaire un peu triste, Jean-Claude interroge alors les plus jeunes pour s'assurer que la vie de la star reste bien gravée dans leur mémoire. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ? J'ai pas révisé là. Ah, parce que tous les matins il faisait son... Son petit déjeuner ? Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne, parce que tous les matins, il faisait son... Son lit ? Son jogging, bande de buses. Son quoi ? Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dèves, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, des potrons minés, il était ici et yoguait. OK ? Et ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team. Viens dans les têtes, hein ? Magnolia ! Forever ! Comment tu prononces ? Forever ? Forever ? Forever. Comment tu dis ? Forever. Forever. Magnolia ! Forever ! Allez ! Magnolia ! Forever ! Monique, elle, est au bord d'en flinguer deux ou trois quand tout à coup, le téléphone pleure. Elle décroche. Elle n'en croit pas ses oreilles, c'est incroyable. Johnny lui-même, en tournage cinéma dans le coin, vient faire une visite surprise à son fan club le plus proche, celui de Monique. Toute la section est convoquée, c'est l'émoi. Monique se transforme alors en bombe sexuelle et file Fissa à la permanence. Johnny, pour de vrai et pour la première fois, se trouve devant elle. Elle est prête à tout quitter pour lui, même le Jean-Claude. Alors elle s'approche de l'idole, anxieuse, et se lance. Parce que je voudrais tout connaître. Comment vous mangez ? Comment vous dormez ? Comment vous travaillez ? Comment vous êtes tout seul ? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas mon genre ? Vous parlez trop, vous êtes trop grande. J'aime pas votre nez, j'aime pas votre bouche, vos yeux, vos cheveux. J'aime pas votre corps. J'aime rien de vous. Rien. J'ai pas envie de vous. Au revoir. c'est la douche froide. Jojo vient de jeter Monique comme une serpillière. C'est la désillusion, l'humiliation totale, la fin d'un rêve. Ce soir-là, Monique et Jean-Claude ne s'adressent toujours pas la parole. L'un est en deuil et en colère, l'autre est meurtri et dépressive. Ils s'installent, muets, devant la télé et commencent à zapper quand, tout à coup, ils tombent sur une émission consacrée aux 60s qui diffuse un reportage hallucinant en date du 7 avril 1966. Vous le connaissez tous autant que moi, puisqu'il s'agit du Don Juan, le beau Clo-Clo, c'est-à-dire Claude François. Ça va, Claude ? Ça va, ça va. T'es en forme ? Oui. T'es en forme ? Ça va, oui. Parce que je t'entends pas très bien. J'ai un petit problème de parole pour pas changer, mais je crois que ça va par ça. Oh, bah tu sais, avec le talent que tu as, je suis sûr que tu vas t'en souvenir. On va m'aider, j'espère. Surtout. Qu'est-ce que tu chantes ? Retiens la nuit. Formidable. Merci. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Un truc de malade, Claude et Johnny qui se parlent et Claude qui chante une chanson de Johnny. Monique et Jean-Claude sont au bord des larmes, retient la nuit. Jean-Claude se penche alors vers sa femme et ne peut s'empêcher de lui avouer la vérité. J'ai le béguin, je ne pense qu'à toi. C'est extra, tu me rends dingue chaque fois. Fan de tes grands yeux, je suis fan de toi. Je suis amoureux, sans te le dire, je suis fan de toi. Monique est très émue de l'amour que lui porte encore son mari. Elle s'est trouvée cruelle aujourd'hui. Et pourtant, une autre de ses idoles n'a cessé de le lui rappeler. You know I can be fun. Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don Don't be cruel, ne sois pas cruel, c'est ce que chante le King Elvis Presley en 1956 parce que quand ton idole finit par peser 2 tonnes, c'est vraiment cruel. Nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de la planète des fans, des fanas, des fanatiques et des groupies. Du Circus Maximus au Golfe Drouot, de Johnny à Clo-Clo, des posters dans la chambre d'ado au mystère de la mort d'Elvis, nous t'avons dressé un panorama des fans et de leur univers étrange à l'heure où, de la Starac à la nouvelle star, les vendeurs de soupe commercent sur le désir des ados de devenir des stars. Alors, c'est quoi être fan ? Eh bien, c'est projeter sur une star, par définition inaccessible, ses rêves, ses désirs et ses fantasmes. Le fan mène, par l'intermédiaire de la star, une vie faite de paillettes et de strass que lui ne connaîtra souvent jamais. Mais être fan, ce peut être aussi s'identifier à l'idole. Le fan fait alors tout pour ressembler le plus possible à la star qui devient un modèle de vie. Les attitudes sont copiées, tout comme les sapes, et le fan trouve dans son idole une manière d'appréhender la vie et de se présenter au monde clé en main. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, Joe Dassin, le parrain de cette émission. Voilà, fin du 10e épisode, c'était « C'est quoi être groupie ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était « Panique au Manchin Palace », le Radio Mix a été coécrit « Les doigts dans la prise » avec Xavier Mauduit, un ami précieux aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, le génial Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui de Sandrine Laurent, merci beaucoup à elle. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi. Pour les Scuds, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Il me reste aussi à remercier 2 autres membres de l'équipage, Maud Lomnitz et Amélie Briand, documentaliste à l'INA Mangin, ainsi que Catherine Pinto, jeune stagiaire pleine d'énergie. Pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com, rubrique émission. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire des lettres à France Inter, 19 avenue du Général Mangin, Paris 16e, au Mangin Palace donc. Voilà, après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Fil au Fil. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Merci,